Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Bienvenue dans ce podcast où on improvise trois improvisations et on papote un petit peu aussi entre temps. Je dis « on » parce que je ne suis pas seule, je suis avec ma comparse Manu Hennebert. Bonjour tout le monde. Et avec Hicham El Amouri. Bonjour, je suis dans un état de fatigue qui me fait me sentir sur un autre plan d'existence. Je pense que c'est une globalité sur ce podcast aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que la magie de l'improvisation et de l'enregistrement va nous faire tenir jusqu'au bout. L'enregistrement. Les fameux. Va nous faire tenir jusqu'au bon. Eh bien, pour nous mettre un petit peu en bouche, pour un petit amuse-bouche, les amis, je vous propose une question saugrenue du jour. Si vous étiez une BD, quelle BD seriez-vous? C'est saugrenu, mais intelligent. Et je vois Hicham qui fond dans le parquet. BD, manga, comics, voyez l'argent. Comics, c'est gênant quand même. Bon, enfin. Ouais, désolé. Hot take. Ici, on ne juge pas tous les comics, pas les tous. De comics. La, de comics, la majorité. Non, parce que dans les comics, il y a quand même des trucs genre Watchmen et tout. Oui. Mais bien sûr. Waouh! Faudrait que tu nous envoies ça une semaine à l'avance, le temps qu'on ait le temps de workshopper, de faire un mind map, de faire un si petit vous essai, voulez. D'écrire un essai de. Je peux déjà répondre moi, comme oui, ça, ça avance. Fais donc. Moi, je serais les BD Merlin. Les BD Merlin, déjà dans les couleurs, c'est un peu Pepsi, etc. C'est dans un univers un peu pseudo-médiéval, Merlin l'Enchanteur, Tutti Quanti, Tristan et Iseu, mais qui est revisité avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et entre autres, il y a un ogre qui s'appelle Tartine. Et ça, je pense que ça me représente pas mal. Lisez les BD Merlin, bisous. Si j'y réfléchis, je pense que je serais... les 3-4 premières BD de Donjon Zénith. Pour le côté très imaginatif avec... si c'est prétentieux, vous me dites. Hein. Mais il y a un côté que c'est plus riche que ça en a l'air, au premier abord, parce que ça a l'air débile au début, enfin d'entrée de jeu. Le personnage, entre guillemets, principal, Albert, si je me rappelle bien, et quand même un gros débilos au début, et je pense avoir été un gros débilos quand même pas mal de temps, mais qu'il acquiert des compétences au fur et à mesure, et que c'est coloré et imaginatif et dynamique, avec beaucoup d'énergie, et plutôt saugrenu avec des blagues, ce qui, je pense, te correspond plutôt bien, okay, tout ça, à fait. Ouf, ça va. Et voilà. Et aussi, je sais pas si je veux être super réflectif, je suis pas à l'abri de devenir cringe un jour, peut-être, comme Donjon Zénith, ou Donjon tout court, ou Johan Farr. Eh bien, ouais. Et toi, Mathieu ? J'hésite entre deux choses, parce que d'une part, pendant que Hicham me parlait... Parce qu'elle est non-binaire. Oui, absolument. C'est ça. C'est on brand. Oui, c'est pas mal du tout. D'une part, je pense que j'ai un côté Tom Gold. Donc, Tom Gold, c'est un Britannique qui fait des espèces de strips en une ligne qui, à la base, sont publiés dans des journaux, puis après, ils en font des recueils, qui est une espèce d'humour absurde, intello, basé beaucoup sur la littérature et des trucs. Par exemple, il y a un recueil qui s'appelle « La revanche des bibliothécaires ». Ouh, wow, j'adore ce titre. Et donc, c'est tout des trucs où genre... il fait plein de réflexions absurdes sur le fait que, par exemple, les gens ont plein de livres qu'ils lisent pas ou sur des genre... Il fait des espèces de générateurs aléatoires à histoires à rebondissement avec des trucs vraiment absurdes que j'aime beaucoup. Et d'autre part, quand même, je me dis en y pensant, je pense que j'ai un petit côté Sorochtone. Parce que j'ai ce côté... Je vis des grandes aventures, mais quand même, pas tellement. Et quand même, je garde parfois les pieds très sur terre. Et puis parfois, il y a tout à coup des espèces d'envolées lyriques. Et puis un côté où parfois... Et c'est quand même le bordel dans les ruines d'un monde passé. Exactement. C'est vrai que tu as un mélange de concret et d'envolées lyriques. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, je me demande si les Sorochtones d'Erwan Surcouf... c'est quand même des héros qu'ils le veuillent ou pas. Mais je pense que je suis un héros, que je le veuille ou pas. Ok, ah, merci les amis. Décidément, ça vous a plongé. Mais soyez les question. Héros et les héroïnes mais, de votre vie. Mais tu sais ce qui va se passer quand tu nous donnes des questions qui ont l'air en surface pas malin. Écoute, je refuse d'être le PNJ de l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui, on est d'accord. Eh bien, chers auditeurs, c'était la question saugrenue du jour, l'amuse-bouche, l'apéritif, si vous voulez, dont on n'a rien préparé. L'apéritouf. Et maintenant, nous allons pouvoir passer au cœur du sujet. Nous allons improviser. Et chaque personne ici présente va proposer une consigne pour improviser, un certain type d'improvisation un peu cocasse. Et la première personne que j'appelle à la barre est Hicham. Oui, c'est moi. Je m'appelle Hicham Lamouri et je vais vous présenter une interview scientifique. C'est notre petit rituel mensuel où j'ai trouvé un article sur l'actualité scientifique récente. Et vous allez devoir jouer une scène où une personne est interviewée à propos de cette activité. C'est une personne qui est impliquée dans l'actualité en question. Bien entendu. Mm-hmm. La science. Je vous laisse voir qui fait quoi. Vous êtes des adultes plus ou moins responsables. Je trouve que vu la réponse du jeu, elle pourrait être la scientifique du jour. Ok. Et l'actualité scientifique en question est la suivante. Le 12 octobre dernier, la fusée Falcon Heavy de SpaceX, j'emmerde quand même Elon Musk, a décollé en direction de l'astéroïde Psyché, situé dans la partie externe de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, à 3,5 milliards de kilomètres de nous. C'est un voyage qui durera plus d'une dizaine d'années, étant donné que l'arrivée est prévue pour l'été 2029. Mais pourquoi viser vers l'astéroïde Psyché ? Eh bien, cet astéroïde a quelque chose de spécial, mais ça, je ne vais pas vous le dire et vous allez devoir vous le sortir de vos trous de nez et sans doute dire des bêtises. Ou pas, ce sera peut-être très intéressant, très intelligent. Vous êtes Prest Je suis Proust. Je suis Proust aussi. Madeleine. J'allais le dire. Parti. Eh bien, bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur l'autre côté de l'actu. Là où on vous parle de ce qu'on vous parle pas, dans les médias qui vous parlent pas de ce que nous, ici, on vous parle. Alors ici, dans l'autre côté de l'actu, j'ai une invitée extraordinaire, une invitée formidable et une invitée qui pourtant est snobée, ou justement parce qu'elle est extraordinaire et snobée par les médias majoritaires qui vous formatent le cerveau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Mais bien entendu, je suis Alma Planche et Alma Planche est là pour vous rétablir la vérité. Alors Alma Planche, vous n'êtes pas ici simplement pour rétablir la vérité, mais aussi pour appuyer votre parcours scientifique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours scientifique, Alma Planche, s'il vous plaît ? Mais bien entendu. Alors, je n'ai peut-être pas les diplômes reconnus par la Belgique ou n'importe quel pays. Mais on ne croit pas aux diplômes ici, d'accord ? J'ai fait beaucoup d'expériences quand j'étais en primaire. L'eau, l'huile, tout ça, je sais faire. Et... Et de plus, je me pèse tous les jours et j'ai un stéthoscope chez mon père. Alors croyez-moi, je suis scientifique. Mais waouh, c'est de ça dont on parle ici sur l'autre côté de l'actu. On n'en a rien à foutre des gens qui font partie du GIEC ou qui sont Oxford ou quoi. Ici, nos micros tombent, mais nous, on reste debout. Exactement. Alors Alma Planche, vous êtes ici pour nous parler d'un voyage que vous allez faire bientôt. Vous allez aborder... En fait, vous allez aborder clandestinement sur l'appareil spatial là, que cette espèce de trou des fesses d'Elon Musk est en train d'envoyer sur Psyché. Uh-huh. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Mais bien entendu, parce que déjà les femmes sont les choses les plus invisibilisées de notre société, n'est-ce pas ? Alors je compte après tout simplement... Après les hamsters quand même. Après les hamsters, mais oui, tout à fait. Hashtag not all hamsters. Et je rappelle tout de même que si on utilise une porte d'entrée, eh ben, on a moins de chances d'être repéré. Donc je vais simplement utiliser la porte d'entrée. Bim, vous vous cachez in plain sight. Exactement. Et justement, en parlant de sight, Sight, psych, psyche, psyché, psyché, psyché. Et pourquoi j'irai sur pourquoi psyché, vous allez sur psyché, sur psyché. Vous allez sur psyché parce que Elon Musk, vous savez ce qu'il veut là-bas. Ce qu'il veut là-bas. Eh bien, il veut ses minéraux et ses minerais. Il veut ses minéraux de minerais. Exactement, il veut les minéraux de minerais. Et vous allez l'empêcher d'avoir ses minéraux de minerais. Oui, parce que grâce à ses minéraux de minerais, on peut, tenez-vous bien, inverser la gravité. Wadafa. Yeah. Vous allez nous aider à inverser la gravité. Mais oui. Pour qu'enfin on redevienne léger, pour qu'enfin mais on oui. retrouve le goût de vivre. Oui, parce que les eaux s'épuisent, n'est-ce pas, sur Terre. Mais il y a de l'eau dans l'air. Si on inverse le tout. Attends, il y a des eaux dans l'air. Habite... Mais oui, il y a la pluie, bien entendu. Par exemple, les eaux de poulet, du coup, ils volent et ils sont dans l'air. Mais oui, bien entendu. Mais c'est un scoop sur l'autre côté de l'actu. On vous rend l'antenne. Si tu veux que j'aille chercher un pied à micro, Manu. On fait d'abord. Je vois pas de quoi tu parles. La table a une fois de plus vomi le pied de micro de Manu hors de je son. Je subis des discriminations de la part table de son est mobilier. Transphobe. Transphobie de table, de mobilier. Et oui, it's a thing. It's a thing. Chers auditeurs, donc en même temps que nous avions un petit fail de décrochage gentillet sur cette improvisation, nous avions un fail de décrochage de pied de micro. Mais alors, l'eau et l'huile. Mais l'eau et l'huile, je connais. J'ai déjà fait. Je sais faire, je connais. Oh, c'était formidable. Ah là là. Je crois que c'est la meilleure réplique de cette saison. Voilà, je crois qu'on peut remballer. On n'est qu'au début. Je pense, connaissant Ize et No Shade, nous ne sommes qu'au début d'un parcours de réplique citable éminente. Merci, monsieur. Mais du coup, Hicham, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur psyché ? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à psyché ? Eh bien, je vais vous le dire. Est-ce que c'est des minéraux de minerais ? Eh bien, c'est pas faux. C'est pas faux. Et voilà, l'autre côté de l'actu. C'est pas inexact. Mais en fait, qu'est-ce que psyché a de bizarre ? C'est que psyché serait en métal. Quoi ? Oui, psyché serait en métal. Et comment ? C'est une lune en métal. C'était un astéroïde. Et en fait, c'est grâce à la lumière réfléchie par sa surface que les scientifiques savent que psyché est très dense et qu'il est fait de métal. Une chercheuse qui n'est pas, dont le nom n'est pas cité dans l'article, dirait « Nous ne savons pas à quoi ressemble psyché. » Et ensuite, elle fait une blague très drôle, elle dit « Je plaisante souvent sur le fait qu'il est en forme de pomme de terre parce que les pommes de terre ont plein de formes différentes. Donc, je n'ai pas tort. » Moi, je trouve ça vraiment éminent. Mais on très, serait très drôle. Se marrer quand même à SpaceX. Mais arrêtez. Oh là là, comment on est entré. Moi, je comprends. Et c'est la fusée de SpaceX, mais c'est envoyé par la NASA, donc c'est plus complexe que ça. J'emmerde quand même Elon Musk pour tout ce qu'il est. Est-ce mais que vous voilà. croyez qu'Elon Musk sent très bon ? Le musc. Moi, j'aime pas le musc. Et donc, les scientifiques pensent que Psyché, qui mesure plus de 200 km de long, pourrait être le noyau d'un ancien corps céleste. Dont la surface a été arrachée par des impacts d'astéroïdes, parce que souvent les noyaux des corps célestes sont en métaux, parce que c'est très lourd, comme notre planète. Mais c'est difficile de creuser dans une planète, c'est plus facile d'envoyer apparemment une fusée à 3,5 milliards de kilomètres. Okay. Et voilà. Eh bien, merci Hicham pour ce news scientifique. Et nous allons pouvoir passer à la deuxième improvisation de ce podcast qui nous est offerte par Manu. Eh bien. Oui, nous continuons avec un autre rituel. Visiblement, cet épisode, c'est l'épisode des rituels. Et nous continuons avec l'impro JDR, la suite de la campagne de Fruline et du paladin Asens. Souvenez-vous, suite à la grande déchéance qu'avait fait subir le paladin Asens à Fruline, Fruline s'était enfui dans une forêt sombre où il avait rencontré deux semi-démons. Rusa et Ruso. oui, c'est des noms de personnages d'impro. Et inventé par Ize. Après que Rusa et Ruso. Oh, ça va, c'était Alma Planche juste avant. C'est bien ce que je dis. Après que Rusa et Ruso aient vu dans le rêve de Fruline que Fruline combattait son démon intérieur, Rusa avait essayé de libérer son démon intérieur, ouvrant la terre elle-même qui a avalé nos trois personnages. Alors, telle. Une série à grand tirage. Nous allons laisser cette situation-là en suspens et nous pencher de l'autre côté. Alors que le paladin Asens est revenu à l'ordre des paladins, qu'en est-il de ce mystérieux ordre qui assurerait le partage des terres avec les démons tant que celui-ci ne dépasse pas le plateau de l'apaisement. Compromission ! Est-ce qu'il n'y a vraiment eu aucun accès de colère en plus de 100 ans du côté du bien ? Et est-ce que le paladin Asens ne sentirait pas quelques remords à avoir renvoyé Fruline, alors même qu'on lui avait dit que Fruline était potentiellement l'enfant de la prophétie ? Nous allons voir ça dans ce nouvel épisode. On fait des infos. Une chose à la fois. On aurait dû faire des révisions sur toutes les épisodes. Nous allons voir ça dans un nouvel épisode de Fruline et du paladin Asens. Est-ce que vous voulez un mot pour vous lancer ou pas ? Moi, ça va. Vous, ça va ? Ouais, j'ai assez d'infos là. Eh bien, ah bon ? Bon, bah, c'est étonnant, mais c'est vous qui décidez. C'est parti ! Me voilà enfin de retour dans le temple de l'ordre. Le bien dans la lumière dans le bien. Le bien dans la lumière dans le bien, paladin. Ah ! Bonjour, mon frère. Bonjour. Ouh, vous avez fait longue route. Oui, j'ai fait longue route et je suis fatiguée. J'espère que le conseil me laissera me reposer aujourd'hui. Eh bien, vous êtes attendu chez le connétable de l'ordre, mais... Déjà, maintenant ? Moi, on m'a dit que vous étiez attendu... Très bien, frère Ludius, je m'y rends. Le bien dans la lumière. Le bien dans la lumière. La lumière dans le bien. Je suis de retour. Oui. Il me paraît que vous m'attendiez. Oui. Où est l'enfant ? L'enfant ne posera plus problème. L'enfant... Il suffit ! Comment cela, l'enfant ne posera plus de problèmes ? Vous savez que tout l'objectif de tout ceci est que l'enfant pose des problèmes. Oui, mais il est mort. Fruline est décédée. Il est mort ! Oui, il n'est plus là. Je pense qu'on va devoir se passer de lui pour nos plans. Vous pensez qu'on va devoir se passer de lui ? Oui. Paladin, depuis quand vos pensées peuvent-elles s'incarner ? Depuis quand vos pensées ont-elles un poids ? Non, je m'incline. Elles n'ont aucun poids. La lumière dans le bien dans la lumière. Questionnez-la. Elle n'est plus dans la lumière. Donnez-moi l'anneau d'inhibition. Non, pas mon anneau, s'il vous plaît, pas mon anneau. Votre anneau d'inhibition, paladin. Tenez. Nous allons l'étudier et nous saurons tout. Alors autant que vous parliez pour économiser du temps à l'ordre. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Emmenez-la ! Là, là, là, là ! Lâchez-moi ! J'ai du mal à garder mon calme. C'est bien la première fois que je me débats pour quoi que ce soit. Peut-être que Fruline a eu plus d'influence sur moi que je ne le pensais. Paladin, vous nous avez tous déçus. Frère. Aujourd'hui, vous allez être soumis à la question. Votre anneau d'inhibition n'est plus là. Votre colère coulera et vous trahira, comme elle a trahi tant d'autres par le passé. Eh bien, soit. Alors que le premier round de torture commence pour le paladin, comment va-t-il s'en passer ? Oh ! Eh bien, ça va se passer extrêmement bien ! Et non seulement le paladin Asens va parvenir à triompher de cette séance de questions, mais elle va de plus parvenir à s'échapper de sa geôle. Et nous reprenons, alors que la séance de mise sous la question est à son paroxysme. Posez-vous votre question, frère. Vous céderez tôt ou tard. Sans anneau d'inhibition, vos émotions courent telles des torrents en furie. Vous céderez tôt ou tard. Contrôle-toi, la lumière, la lumière, la lumière dans le bien. Lâche le contrôle. La lumière dans la lumière lâche dans le bien. Lâche le contrôle. Est-il arrivé à l'enfant ? J'avais tout cela en moi. Je saurais l'utiliser à bon escient maintenant. Rendez-moi cet anneau. Garde, que s'est-il passé ? J'ai vu de la lumière jaillir de la geôle. Vite ! mes yeux. Ah, le prisonnier s'est échappé. Le prisonnier s'est échappé. Alerte, il est là. Vite, impuissant. Ah, elle brille tellement, mes yeux brûlent. Ah, non. Plongez dans le lac. Plongez dans le lac. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette lumière qui m'entoure, elle me réchauffe même dans l'eau. Je peux même parler et respirer. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tu as retiré ton anneau d'inhibition. Je ne peux pas, je vais devoir le remettre. Enfin, tu te connectes à toi-même et à travers toi-même à nous tous. Je ne l'ai fait que par opportunisme. Je remettrai mon anneau. Je ne peux pas rester avec vous. Alors tu veux déjà te couper du lien à nous, à toi? Nous qui te fournissons l'air que tu respires et toi qui nous fournis de quoi vivre en harmonie avec toi. Il est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi en connexion avec la nature. Mais le conseil a dit que les émotions, c'est ce qui génère les guerres. Et ce qui génère les guerres génère la malveillance. Ah oui, le conseil a décidé de se retirer du grand cycle. Mais nous sommes prêts et prêtes à vous y accueillir à nouveau si vous le souhaitez. Fruline l'a bien compris, lui je l'ai déjà accueilli en mon sein il y a peu. Fruline? Vous savez où il est? Où est-il? Où puis-je le trouver? Je peux t'y mener. Tu dois simplement suivre la voie. Suivre la voie. Très bien. Suivons la voie. Oh là là! Ah oh là là! Nous n'apporterons vraiment pas beaucoup trop de concepts compliqués et contradictoires dans ce pas truc. Du tout. Dans ma ça tête, va être très facile. Très clair. Ah ouais. En vrai, ça va encore. Il y a un conseil qui pour éviter les guerres, limite les émotions et du coup, il donne des anneaux. Oui, non, à tout non, le monde, non, non. D'accord. Et ça retire les gens du grand tout de la vie. Et du cycle naturel des choses. Oh non, nous venons d'expliquer tout le lore. Nous avons fait la vidéo explicative de lore du gars, l'iceberg de alors il faut savoir qu'au moment où les dragons ont créé le monde. Ça a l'air d'être merveilleux tout ça du côté de la nature, mais n'oublions pas tout de même que Fruline a pacté avec des démons. Donc il y a tout de même. Les démons sont-ils mauvais? Voilà. Nous le serons dans le prochain épisode. Aïe. Le chocolat ressemble-t-il au caca? Nous verrons ça dans le premier épisode. J'avais un ex qui m'a expliqué pourquoi le caca est brun, mais je ne sais plus pourquoi. Waouh! Parce que c'est du chocolat! Les gens ne le savent pas assez, mais. Les amis, il est déjà temps de passer à la dernière improvisation d'aujourd'hui, vous rendez-vous compte? C'est moi qui la propose à vous deux et je suis très excitée parce que c'est une deux mondes que je vous propose et elle est spécialement. Pour vous. Ok. À chaque fois que Iso est très enthousiaste, je suis à moitié effrayé. Genre, qu'est-ce qui va sortir? Il y a un des deux mondes que je pense Manu et moi, on partage de notre culture du moins. Et il y a le deuxième monde que vous partagez et que moi je n'ai pas du tout. Donc je compte vraiment sur vous pour ce deuxième monde. Ok. Du coup Manu, je propose que tu fasses le monde que tu as en commun avec moi, s'il te plaît. Oui. Ton personnage sera donc un personnage improvisé, mais venu du monde de Jane Austen. Jane Austen, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des romans d'amour de 1800 environ. Little Women, non? Non. C'est Pride and Prejudice. Ah oui, pardon, autant pour moi. Oui. Et ça fait vraiment l'apogée de l'amour choisi plutôt que de l'amour arrangé. Ou s'il y a amour arrangé, ça finit en amour choisi. Et vraiment, c'est les sentiments qui doivent primer sur la raison, même si souvent les personnages essayent de se raisonner tant bien que mal. Il y a beaucoup de romantisme, de paysages anglais et de pluie et de nuages. Et de mecs en redingote. Et toi, mon brave Hicham, je compte sur toi pour nous faire un personnage tiré d'Évangélion. Oh my God. Alors, et ces deux personnages vont se rencontrer. Pas un existant, mais dans le même style. Oh, mon Dieu de merde. Je compte sur... Alors, Évangélion, okay. Comment résumer ceci? Voilà. Bah, c'est un résumé. Il y a 1000 personnes. Si, justement, j'ai fait mes petites recherches. Histoire de voir ce qu'une personne lambda comprend et ce que vous corrigerez de ce qu'une personne lambda comprend. C'est dans un monde post-apocalyptique où il y a des êtres qui viennent pour envahir Tokyo 3, donc Tokyo rénové si je ne m'abuse. Et nous avons l'humanité qui a développé des grands robots gigantesques pour défendre la planète. Et apparemment, c'est un monde qui à la fois est héroïque, mais aussi qui joue sur la psychologie des personnages, l'évolution de l'humanité et la remise en question philosophique de l'humanité. Ai-je raison ? Oui. Okay. J'ajouterais juste techno-jargon, mysticisme chrétien. Bah, et surtout que c'est des ados qui doivent piloter ces gros vaisseaux et que du coup on leur met une pression de péter et qui détruit psychologiquement. Et tout le monde est mal foutu. Voilà. Et tout le monde est très mal. Très bien. Psychologiquement. Très bien. Wow. Nous avons mais tout le monde est bien foutu, mais très bien foutu physiquement et très mal foutu psychologiquement. Nous avons un personnage de Jane Austen et un personnage de Evangelion. What the fuck? Bon Dieu de merde. Votre mot sera investissement. Investissement, waouh. Et c'est parti. Cling, cling, cling. Vous ne prenez pas de sucre dans votre thé? Non. Évidemment. S'il vous plaît, attention, il est très chaud. Merci. Quand est-ce que je peux voir mon oncle? Monsieur Langwire vous recevra quand il le jugera digne. En attendant, c'est avec moi que vous devrez discourir quelque temps. Ding. Alors dites-moi, Brian, comment cela se passe-t-il pour vous en ce moment ? Clic. Je sais juste pas trop pourquoi je suis là. J'étais bien en Allemagne. Pourquoi est-ce que je dois revenir ici, hein? Monsieur Nashimoto, est-ce que je peux voir mon oncle, s'il vous plaît? Non, comme je vous l'ai dit, il vous recevra quand il lui siéra. Parce que, comme vous le savez, c'est votre oncle qui commande ici. Et il ne faut en aucun cas subvertir l'ordre naturel des choses. Vous êtes un adolescent qui nous rend de grands services et vous devez rester à la place qui vous a été dévolue, comme moi je reste à la place qui m'a été cling dévolue également. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Restez à votre place. Mais c'est il faudrait que je sorte. Il faudrait vous que n'avez pas reçu l'ordre. Vous n'avez pas reçu l'ordre de revêtir votre soute. Vous ne devez pas y aller. Pip, pip, pip. Laissez-moi sortir. Sortir. Ouvre ton cœur, Brian. Ouvre ton cœur et tu verras que il ne faut pas subvertir l'ordre naturel des choses. Je veux juste faire plaisir à ma famille. Je suis fait pour agir. Ta famille ne te connaît pas, Brian. Ta famille te déteste. Si je n'agis pas, au fond, je ne suis rien. Il faut que j'agisse. Oh, Léva, non, c'est impossible. Monsieur Nishimoto, vous êtes la prochaine incarnation. Je dois vous combattre. Désolé. Non, mon Netherfield va te repousser car grâce aux bonnes manières et à la bienséance et à l'ordre établi, je vais détruire tout ce qui ne convient pas dans ton Eva. Pourquoi j'ai mal ? Ouvre ton cœur, laisse-moi y pénétrer et ton oncle te recevra tout de suite pour t'assigner une place dans l'ordre social établi. Cette masterclass de bruitage, waouh! Manu n'a pas pu s'empêcher de faire un personnage d'Evangelion aussi. Mais je comprends. Mais tu vois, tu t'es coupable, mais j'ai c'est donné, mignon. Et puis j'ai repris, et puis Jane Austen. Mais merci beaucoup pour je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi franchement, non plus. De l'extérieur, ça donnait... match de tennis, j'étais... Mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, je visualisais beaucoup. Ok. Moi aussi, j'ai beaucoup... Ça fait beaucoup travailler la visualisation, quoi. Oui. Mais oui. Pour que ça fonctionne, quoi. Mais ça fait du bien. Hein. L'économie de mots, ça peut même se faire en radio, en pro. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est dur parce qu'en plus, Jane Austen, il y a un côté très ironique, mais qui est donné par la narration, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est compliqué à rendre, je trouve. Mais on verra. Mais tu l'as fait avec le thé, avec le ton, la manière de parler, la bienséance. Ça manquait de romantisme amoureux, peut-être. Oui, mais je voulais pas. Moi, je savais pas comment le faire. J'étais genre, waouh. Ok, je sais pas comment amener ça en plus du reste. Mais parce que moi, je voulais pas d'une espèce de relation chelou entre une adulte et un ado. Oui, on bien est joué. D'accord. Et en plus, par moment dans Evangelion. Ah oui, non, c'est chelou. Bah, c'est un manga. Si, entre. Je sais pas à quoi tu t'attends. C'est un animé des années 90. C'est japonais. Entre la mentor et le jeune, et à un moment, genre. Elle lui. Oh, pardon, c'est un gros spoiler de la fin du truc, mais. Bref. D'une des fins. On mettra des bips dessus. Eh bien, chers auditeurices, c'est déjà la fin des improvisations pour aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, on n'a rien préparé. Nous avons encore une chose à vous confier aujourd'hui. Ce sont nos coups de cœur culture du jour. Et d'autres épisodes après, hein, ne vous inquiétez pas. Ah oui, après il y a d'autres épisodes. Hicham, quel est ton coup de cœur du jour, s'il te plaît? Eh bien, c'est pour une vidéo YouTube. Non. Je reste dans mes balises. Et c'est une vidéo qui s'appelle « Why do you always kill gods in JRPGs ?» pourquoi est-ce que dans les JRPG, les jeux de rôle japonais qui a un style particulier de jeu vidéo, on tue toujours les dieux. C'est une vidéo publiée par la chaîne Moon Channel qui rentre exactement dans ma niche préf, c'est-à-dire les essais vidéo très recherchés et beaucoup trop longs. Ça évoque de manière très fouillée l'histoire de la religion en Asie du Sud-Est et au Japon, l'histoire politique et économique du Japon, l'histoire des jeux vidéo et des JRPG, et ça offre une analyse sociale et sociétale assez fascinante qui boucle la boucle de la question initiale qui est à savoir pourquoi est-ce qu'on tue toujours des dieux dans les JRPG. Et c'est super érudit, super intelligent, très fouillé, très pédagogique et respectueux, et surtout très révélateur avec comme conclusion, qu'une fois de plus, le capitalisme, c'est de la merde. Voilà, donc conclusion 10 sur 10. Bon, le mec qui fait ça, il me semble qu'il est blanc. C'est sans doute la seule réserve que j'ai. J'ai aucune idée de sa légitimité à parler de ça. Mais je pense que son analyse n'est pas moins super riche et je connais pas sa vie. Donc si ça se trouve, en fait, voilà, c'est ce qu'il dit. Mais voilà, donc c'est une vidéo très intéressante pour toutes les personnes qui ont joué à Final Fantasy et autres. Pourquoi est-ce qu'on tue toujours des dieux à la fin? On le saura. Au bout d'une heure de vidéo. À peu près, ouais, mais c'est super intéressant. C'est vraiment, il y a toute une. Les 35 premières minutes, c'est de l'histoire. L'histoire de la théologie en Asie du Sud-Est. C'est super intéressant. Merci, Hicham. Wow. Plaisir, bisous. Eh bien, Manu, quel est ton coup de cœur? Eh bien, mon coup de cœur, c'est pour un podcast qui s'appelle Kif Taras. Oui. Donc c'est un podcast qui est produit par Binge Audio et dans lequel deux personnes, en fait il y a deux animatrices à ce podcast, Rokhaya Diallo et Grace Lee. Rokhaya Diallo se définit elle-même comme une femme noire et Grace Lee comme une femme asiatique, et elles parlent de racisme. Et elles en parlent vraiment très très bien. Parce que moi, pendant longtemps, le racisme, ça a été une question qui, très honnêtement, me mettait un petit peu mal à l'aise parce que je sentais que j'avais très peu d'outils pour l'appréhender concrètement, aussi pour avoir des visées un peu intersectionnelles entre LGBT-phobie et racisme, parce que je fréquente des personnes racisées et LGBT, et parfois, enfin, c'est compliqué, je trouve. Et honnêtement, bon, même si évidemment une seule source ne suffit jamais, j'ai trouvé dans Kif Taras un panel de réponses et un panel de réflexions que je trouve extrêmement intéressantes sur le sujet. Donc la structure, c'est des épisodes d'environ 30, 35, 40 minutes, où à chaque fois, Rokhaya Diallo et Grace Lee reçoivent une personne qui va parler d'un sujet. Alors dans les sujets qui m'ont le plus intéressé, le plus touché, il y a par exemple Rome, les oubliés de l'antiracisme, donc qui parle des Roms. Il y a également décoloniser les arts de la scène, qui était vraiment très intéressant. Oh, putain, et aussi, oui. De quoi le voile est-il le nom ? Je crois que c'est ça le titre de l'épisode, qui parle du voile, qui est quand même un sujet. Bon, en plus, elles sont françaises, hein, et elles parlent d'un point de vue français. Lol. Et le voile en France, c'est un vrai énorme sujet. Et ce qui était très intéressant, c'est que par exemple, dans De quoi le voile est-il le nom, et ben en fait, j'ai entendu beaucoup de choses qui résonnaient avec ma non-binarité et avec le fait que moi, par exemple, quand je sors dans la rue, souvent, je me dis « Ah, ben, j'aimerais bien mettre tel ou tel vêtement, mais je ne vais pas le faire parce que je risque de me faire agresser ou emmerder. » Et qu'en fait, des personnes qui portent le voile se font le même genre de réflexion avant de sortir de chez elles. Et donc, bon, évidemment, il y a plein d'autres questions qui se posent avec le voile, mais je trouve que c'est très intéressant parce que par l'approche du podcast, ça permet de jeter des ponts et ça permet de rendre très, très accessibles des questions qui sont très importantes, mais qui, je trouve, parfois sont compliquées ou sont très, très antagonisées par les personnes en place, hein, qui disent « Ouais, si vous dites que vous êtes antiraciste, c'est très problématique, le racisme, ça n'existe pas, les races, ça n'existe pas, ne faites pas comme aux États-Unis, nanana. » Mais je trouve que là, elles en parlent avec beaucoup d'intelligence. Donc voilà, Kif Taras, Rokhaya Diallo et Grace Lee. Produit par Binge Audio, disponible sur Spotify et je pense sur d'autres plateformes, mais moi je l'écoute sur Spotify. C'est vraiment excellent. On sait écouter ça. Merci beaucoup Manu. Merci. Et on termine avec mon coup de cœur qui est pour un album de musique de Boy Genius. Boy Genius, pourquoi j'en ai pas parlé avant ? Elles ont enfin sorti un album complet qui s'appelle The Record en 2023. On l'attendait, c'est la collaboration formidable entre Julian Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus. Ah oui, il y a Phoebe Bridgers dedans, ok, d'accord. Ouais, vraiment. Mais il faut savoir que ces trois artistes qui se connaissaient à la base en admirant le travail les unes des autres, pas plus que ça. Puis elles ont fait plus ou moins, les premières parties les unes des autres. Et puis au bout d'un moment, si on collaborait, et on formait le groupe Boy Genius. Alors pourquoi Boy Genius ? C'est parce que le génie masculin, c'est une expression qui est fort utilisée pour un peu encenser un gars qui a globalement une idée de merde. Et on va lui dire « Oh, mais c'est le génie masculin !» Et elles ont du coup utilisé cette expression « boy genius » pour définir leur girls band qui est tout sauf 6-7, donc c'est vraiment assez rigolo. En plus d'avoir un titre formidable, elles ont maintenant un album rock-folk formidable, The Record. Et je recommande vivement les titres qui sont mes préférés, Cool About It, Not Strong Enough et Satanist, entre autres. Allez l'écouter, surtout je pense que ça va parfaitement avec l'ambiance de l'automne. Ciao, bisous. Trop drôle. Boy Genius. Phoebe Bridgers, elle est super forte cette meuf. C'est de la pop folk presque minimaliste, mais pas vraiment minimaliste. Ouais. Genre, qui est toute calme, mais qui est bourrée d'énergie en même temps. C'est très paradoxal. Et surtout ses textes. Oh, j'en peux plus. Ouf. Je vais aller écouter ça, moi. Parce que eh bien, pas. Il est déjà l'heure de nous quitter pour toujours. Non. Pour toujours. Pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi prochain avec un invité spécial. Oh oui. Comment ? Mais oui. Que là ? J'ai hâte de vous le présenter. Gros de, bisous. D'admirer son, son crâne luisant. De donner des indices. Pardon, son, sa moustache étrange, ses lunettes extravagantes, ainsi que sa queue de dragon.